Chapitre 6 La vieille chaumière, le directeur de la Brightless School et son confrère de l'école d'en face, commune passion du révérend Gladstone et de Chateaubriand pour le grec. Monsieur Shatterbrain. Pourquoi Chateaubriand n'a jamais confessé qu'il avait fait de l'enseignement? Une page des mémoires et un fragment de l'essai. Fidèle souvenir que les élèves de l'émigré breton avaient gardé à leur professeur. Mais revenons à l'émigré de Beccles et tâchons de nous représenter, dans la mesure des moyens dont nous disposons, quel pouvait être l'ordinaire de sa vie. Nous avons tourné le coin de King's Head Hotel. À gauche de la rue, l'enseigne voyante d'un Le Grays boucher nous exhibe au passage le nom, estropié à l'anglaise, de quelques Le Gris, expatriés de France et peut-être de Bretagne comme Chateaubriand. Une vingtaine de pas plus loin, à droite, s'amorce Blyburgate Street. Descendons sa longue chaussée, aujourd'hui déserte, car ce n'est pas jour de marché, jusqu'au point où elle va se changer en simple route, bientôt perdue dans la campagne. Là, plantées en face l'une de l'autre, deux maisons se regardent en des attitudes et avec des visages bien différents. Celle-ci, The Old Thatched House, la vieille chaumière, comme l'appellent les gens de Beccles, semble faire exprès de rabattre le capuchon de son toit en auvent sur les 5 ou 6 fenêtres clignotantes de son unique étage, avec la conscience d'être en effet très vieille, encore qu'un récent badigeonnage donne un regain de fraîcheur à sa vétusté. Deux locataires l'habitent, un droguiste, qui, lorsque nous l'abordons, mes amis et moi, se montre absolument rebelle à la poésie des souvenirs, et la veuve d'un médecin, qui, elle, s'offre dès les premiers mots à nous faire visiter la partie qu'elle occupe. Nous grimpons un étroit escalier. À l'étage s'ouvre devant nous une enfilade de pièces assez spacieuses, mais si basses de plafond que nos fronts en heurtent presque les larges poutres. Au XVIIIe siècle, ces chambres étaient des classes, et les échos de leurs murs ont accueilli la voix étrangère de René pédagogue, de René porteur de férule, de René faisant, à sa grande honte, annonner les boys anglais en ce doux parler de France dont il devait tirer bientôt, pour l'enchantement de ses propres compatriotes, des sons d'une magie et d'une volupté jusqu'alors inconnues. L'école était dirigée, comme nous l'avons exposé plus tôt, par M. Brackley, qui en avait pris la charge vers 1788 et lui avait promptement communiqué une impulsion toute nouvelle. Une lettre privée, citée par Wilton Ricks, le loup d'avoir dès 1789, réunit dans les 18 à 20 pensionnaires. De 1789 à 1794, le nombre des élèves avait dû aller croissant. Ce fut, avons-nous dit, à la Noël de cette année 1794, que M. Brackley se démit de ses fonctions pour établir une imprimerie à Bungay. Si donc, comme il y a tout lieu de le croire, Chateaubriand vint à Beccles en février ou mars de la même année, il n'enseigna guère que 9 ou 10 mois sous les auspices de cet habile directeur. Il ne fut probablement pas sans regretter son départ, mais nous verrons qu'à Bungay comme à Beccles, il le trouva dévoué à ses intérêts. Passons à la maison qui fait vis-à-vis à celle-là. C'est une construction moderne, en briques rouges, située au milieu d'un jardin qu'une grille sépare de la rue. Sur son emplacement s'élevait l'ancienne Fauconberge School, dont il ne subsiste plus aucun vestige. Cette école avait pour master, si l'on s'en souvient, le révérend Girdlestone. Un original, ce John Girdlestone. Il ne s'exhibait en public que vêtu de son éternel spencer bleu qu'il portait par tous les temps et armé d'une canne proverbiale dont on racontait que l'extrémité inférieure n'avait, de mémoire d'homme, touché le sol. Ses manières étaient glaciales, son verbe rare et rude. Il menait ses élèves à coups de fouet et même envers ses sous-maîtres, il ne prêchait pas précisément par excès de mansuétude. Deux passions également impérieuses se partageaient son âme, le skating et le grec. C'était un helléniste distingué pour l'époque. Il travaillait à une traduction des odes de Pindare, la première, dit-on, qu'ait possédée l'Angleterre. On sait le culte que Chateaubriand professait dans le même temps pour les lettres grecques. L'essai n'est qu'une perpétuelle confrontation des révolutions d'Athènes ou de Sparte avec la Révolution française, et 2 chapitres entiers sont consacrés à des rapprochements, d'ailleurs assez inattendus, entre Anacréon et Voltaire, Simonide et Fontane, Sappho et Parny, Solon et les deux Rousseau, Tirté et Rouget de Lille, le chant d'Harmodius et l'épitaphe versifiée de Marat. On peut penser que l'amour du grec attendrit la dureté du vieux magister en faveur de son jeune émule et que les lumières du traducteur de Pindare se mirent plus d'une fois au service de l'auteur de l'essai. M. Girdlestone quitta le 14 décembre 1813 la direction de la Fauconberge School et mourut vicaire de Sheffingham près de Cromer le 22 janvier 1825. On se rappelle que Chateaubriand, en Angleterre comme en Amérique, avait substitué le nom de « Monsieur de Combourg » à son nom véritable qu'aucun Anglais ne pouvait prononcer. Mais sitôt que ce dernier nom fut connu de ses élèves, leur malice s'empressa d'en tirer parti. Ils furent tout heureux de découvrir que « Chateaubriand » dans leur langue donnait quelque chose d'analogue à « Chatterbrain », cerveau fêlé, si bien que le French teacher fut définitivement baptisé du sobriquet de M. Chatterbrain, comme qui dirait M. de la tête à l'envers. Et ma foi, vous eussiez pu tomber plus mal, ô jeunes espiègles, de la Brightless et de la Fauconberge School, car il avait sa fêlure, certes, une merveilleuse fêlure, dont, par bonheur, il ne devait jamais guérir. Ce Chatterbrain, à l'esprit absent, qui, tout en corrigeant vos tâches informes, écoutait déjà frémir en lui, avec les Natchez, avec Atala, avec René, la musique peut-être la plus enivrante où les songes des hommes se soient bercés. Un calembour de collégien, voilà ce que la tradition locale a surtout retenu de la carrière de Chateaubriand, professeur de français. Il est vrai qu'il eût souhaité, quant à lui, abolir jusqu'à la mémoire de ses brèves expériences pédagogiques. Et ce n'est pas sa faute si elles sont, pour ainsi dire, spontanément remontées au jour à travers l'ombre qu'il avait épaissie autour d'elle du fond de l'oubli où il croyait les avoir scellées. Lui furent-elles donc si douloureuses qu'il eût voulu les effacer de sa vie pour l'éternité? C'est possible. Mais n'obéissait-il pas aussi à un autre sentiment? Il y a dans les mémoires d'outre-tombe une page qui nous livre, ce me semble, une des clés du mystère. C'était du temps que Chateaubriand faisait au petit séminaire de Dole ses premières humanités. Un matin, comme il jouait au bar dans la cour, on vient l'avertir que quelqu'un le demande. Je trouve un gros homme, rouge de visage, les manières brusques et impatientes, le ton farouche, ayant un bâton à la main, portant une perruque noire mal frisée, une soutane déchirée retroussée dans ses poches, des souliers poudreux, des bas percés aux talons. « Petit polisson, me dit-il, n'êtes-vous pas le chevalier de Chateaubriand de Combourg ?»« Oui, monsieur, répondis-je, tout étourdi de l'apostrophe. Et moi, reprit-il presque écumant, je suis le dernier aîné de votre famille. Je suis l'abbé de Chateaubriand de la Guérande. Regardez-moi bien. » Le fier abbé met la main dans le gousset d'une vieille culotte de panne, prend un écu de 6 francs, moisi, enveloppé dans un papier crasseux, me le jette au nez et continue à pied son voyage, en marmottant ses matines, d'un air furibond. J'ai su depuis que le prince de Condé avait fait offrir à ce hobereau vicaire le préceptorat du duc de Bourbon. Le prêtre, outrecuidé, répondit que le prince, possesseur de la baronnie de Chateaubriand, devait savoir que les héritiers de cette baronnie pouvaient avoir des précepteurs, mais n'étaient les précepteurs de personne. Cette hauteur était le défaut de ma famille. Elle était odieuse dans mon père. Mon frère la poussait jusqu'au ridicule. Elle a un peu passé à son fils aîné. Je ne suis pas bien sûr, malgré mes inclinations républicaines, de m'en être complètement affranchi, bien que je l'aie soigneusement caché. L'anecdote est doublement significative, et par elle-même, et par l'aveu qui la termine. Ou je me trompe fort, ou ceci nous explique, à mots couverts, le pourquoi du secret si jalousement gardé par le neveu du fier abbé sur ses 2 ou 3 ans de professorat. Un Chateaubriand ne devait pas, ne pouvait pas, avoir été professeur. Que pour rétablir les affaires de sa famille, il eût pratiqué le négoce, voire la traite, comme ça avait été le cas pour le père de François-René, il n'y avait là que demi-mal. Le commerce, insinue quelque part l'auteur des mélanges littéraires, a toujours eu chez nous je ne sais quoi de poétique et de fabuleux. Mais l'enseignement, qu'était-ce, sinon la déchéance pure et simple, sans même l'excuse de la poésie et d'un vague lointain de légende? C'est évidemment cette prétendue déchéance que, par un antique préjugé de race, et malgré ses inclinations républicaines, l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe ne s'est pas senti le cœur de confesser. Faiblesse, d'ailleurs, trop pardonnable pour peu que l'on se représente dans quelles sinistres conditions d'exil, de maladie, de tristesse et peut-être d'humiliation l'ancien officier du régiment de Navarre fut condamné à exercer le métier de teacher. Dans le temps même qu'il en vivait, il n'admettait pas que les gens de sa sorte et de sa trempe puissent accepter d'en vivre. N'était-ce pas au jour de Beckles, en rentrant chez lui de la Bright School, qu'il écrivait dans l'essai « Nous supportons l'adversité, non d'après tel ou tel principe, mais selon notre éducation, nos goûts, notre caractère et surtout notre génie. Celui-ci, s'il peut gagner passablement sa vie par une occupation quelconque, s'apercevra à peine qu'il a changé de condition, tandis que celui-là, d'un ordre supérieur, regardera comme le plus grand des maux de se voir obligé de renoncer aux facultés de son âme, de faire sa compagnie de manœuvres dont les idées sont confinées autour du bloc qu'il scie, ou de passer ses jours dans l'âge de la raison et de la pensée à faire répéter des mots aux stupides enfants de son voisin. Un pareil homme aimera mieux mourir de faim que de se procurer à un tel prix les besoins de sa vie. Non, fort heureusement pour lui, et plus heureusement encore pour nous, l'instinct de conservation et, sans doute aussi, le pressentiment de ses destinées futures parlèrent chez le jeune émigré plus haut que son orgueil. Il s'acharna d'autant plus à vivre qu'il était plus conscient de sa supériorité, de son génie. Et lui qui s'indignait que Denis le tyran, chassé de Syracuse, se fût abaissé pour ne pas mourir de faim à donner des leçons de grammaire dans les faubourgs de Corinthe aux enfants du petit peuple, alors qu'il avait le droguiste ou le marchand de poignards à sa porte et quelques mines en réserve, il suivit le plus stoïquement du monde l'exemple de Denis, en quoi il eut 10 000 fois raison. Il pleura d'en être réduit à faire la classe aux enfants de Corinthe, je veux dire de Beckles. Il se promit surtout qu'il n'avouerait jamais l'avoir faite. Mais il la fit, et malgré ses répugnances d'avant ou d'après, je ne serais pas surpris qu'il l'eût faite avec âme à cette époque ardente de sa jeunesse où, selon sa propre formule, il mettait de l'âme à tout. Ses élèves, ou comme il l'écrivait alors, ses pupilles, conservèrent du moins de ses leçons un souvenir reconnaissant et durable, et lorsque, 26 ou 27 ans plus tard, il reparut à Londres comme ambassadeur, plusieurs d'entre eux se firent un devoir d'aller lui présenter leurs hommages. Sans doute eurent-ils le tact de ne lui remémorer qu'avec discrétion les circonstances où ils s'étaient trouvés en rapport dans le passé, car, si nous en croyons Wilton Ricks, il accueillit leur démarche sans déplaisir. L'un de ses élèves, le docteur Inchman Crowfoot, un médecin de Beckles, aimait encore longtemps après à raconter de quelle façon gracieuse il fut reçu par son excellence et comment elle voulut le retenir à dîner, comment elle poussa la courtoisie jusqu'à le faire asseoir à sa droite. Ce qui le frappa surtout au cours du repas, selon Wilton Ricks, ce fut de reconnaître, dans la livrée des domestiques qui servaient à table, les couleurs que portait jadis le lad de l'émigré. Ce même petit garçon, sans doute, qui transmettait à Miss Sparrow les messages graphologiques de Monsieur de Combourg. Par une coïncidence qui vaut d'être notée, la même année qui vit la mort de Chateaubriand vit aussi celle de Monsieur Inchman Crowfoot. Il ne survécut pas plus de 4 mois à son ancien maître. En procédant à l'autopsie d'une personne enlevée par une fièvre pernicieuse, il contracta lui-même le mal et y succomba, victime du devoir professionnel, le 13 novembre 1848. Note. On sait que Chateaubriand mourut le 4 juillet de la même année. Fin de note. Après mon pèlerinage au bâtiment des âmes de la défunte Brightley School, je comptais aussi visiter la Fauconberge School actuelle. J'ai nommé dans un précédent chapitre M. Soanes, dont l'intelligente curiosité m'a plus d'une fois guidée dans mes recherches. Je savais par mes amis Gosling qu'il occupait une des chaires de cette Fauconberge School à laquelle Chateaubriand fut indirectement attaché. Il avait donc toute qualité pour nous en faire les honneurs, mais quand je lui exprimai mon désir un soir que nous l'avions pour commensal dans la salle à manger vieux style du King's Head Hotel, ce fut pour apprendre de sa bouche que, la fondation primitive ne suffisant plus aux frais d'entretien, l'école venait de fermer ses portes et de licencier momentanément ses maîtres. Comment allez-vous vivre jusqu'à la réouverture des classes, si elles rouvrent ? Demandai-je. Je pratiquerai le professorat ambulant, répondit-il, non sans mélancolie. J'ai quelques leçons de ci de là dans la campagne, chez les gentlemen du voisinage. Et il ajouta, en esquissant un sourire, « Tenez, je ferai justement le métier que faisait, à de certains jours, votre Chateaubriand, avec cette différence néanmoins qu'au lieu de courir les routes à cheval, comme lui, je les courrai à bicyclette. » Chapitre 7. Les tournées de Chateaubriand aux environs de Beccles. Son opinion sur les grands. Sa réputation de médiocre cavalier. Anecdote à ce sujet, rapportée par Wilton Ricks. Désagréments qui lui valaient parfois ses tournées, avantages qu'il en retirait, la vie en plein air avec la nature, Chateaubriand, naturaliste et botanophile, le Cresson, voyageur. L'enseignement dont Chateaubriand était chargé à la Brightley School pour les élèves des deux écoles ne lui prenait en effet qu'une assez faible partie de son temps et probablement ne lui fournissait qu'un subside assez restreint. Il mettait donc à profit ses journées libres en colportant son français à domicile dans les halls et les châteaux d'alentour, chez les grands, chez les riches, auxquels il avait été recommandé par la bienveillance de Bent Sparrow. Ce n'était pas toujours le plus gai de sa besogne, si nous en jugeons par ses lignes de l'essai. La vue de la misère cause différentes sensations chez les hommes. Les grands, c'est-à-dire les riches, ne la voient qu'avec un dégoût extrême. Il ne faut attendre d'eux qu'une pitié insolente, que des dons, des politesses, mille fois pires que des insultes. Par contre, son principal moyen d'existence lui venait, j'imagine, de ses tournées. Il le faisait ordinairement à cheval, à cause de la longueur des distances et aussi de l'état des chemins. Aujourd'hui encore, c'est le mode de locomotion le plus habituel en ce pays d'élevage, où l'équitation reste le sport par excellence. On ne voyage pas dans les vallées ou sur les coteaux du Suffolk, sans croiser à chaque instant quelques gentleman riders coiffés de feutre gris, bottés de cuir jaune. Et le vendredi soir, jour du marché de Beccles, c'est tout un escadron de fermiers et de propriétaires ruraux qui s'éparpillent à la brune vers les manoirs et les cottages de la banlieue. Il ne semble pas que Chateaubriand ait laissé une très brillante réputation équestre parmi cette population de centaures. Il était loin, paraît-il, d'être un cavalier hors de pair. Peut-être aussi les montures qu'il se procurait chez le loueur de l'endroit chauvissaient-elles parfois des oreilles, comme cette heureuse dont il nous a si joliment conté les exploits dans un délicieux morceau des mémoires. Dans tous les cas, voici l'anecdote qui s'est perpétuée sur lui dans la région et que Wilton Ricks recueillit des lèvres véridiques d'un de ses respectables concitoyens, lequel la tenait lui-même de M. Brackley. Certain après-midi que M. de Combourg venait de se mettre en selle pour une de ses teaching expeditions qu'il accomplissait aux environs, sa bête peu maniable s'emballa. Impuissant à la maîtriser, il perdit les étriers et la tête. Les gens de Beccles le virent avec stupeur passer devant leur porte, ventre à terre, cramponné à la crinière de son bucéphale de louage, hurlant au secours, criant d'angoisse, dans un anglais incorrect qui disait tout juste le contraire de ce qu'il voulait signifier. « I will be killed, nobody shall save me ». C'était à peu près comme s'il eût dit « Je tiens à me rompre le cou, que personne ne s'avise de me sauver ». Cet emploi fautif du « will » pour « shall » et réciproquement est une bévue classique, une de celles que nos voisins d'outre-Manche attribuent le plus communément aux étrangers encore novices dans leur langue. Chateaubriand est peut-être le millionième à qui on l'apprête. Wilton Ricks veut cependant qu'il ait été coutumier de ce quiproquo, et il en cite comme preuve le solécisme « The gentleman who shall deliver » au lieu de « will deliver » contenu dans la lettre au docteur Davet dont nous avons publié le texte. Quoi qu'il en soit, il reste de l'aventure elle-même que le jeune professeur de français n'était pas un écuyer de premier ordre. Il sera bon de nous en souvenir quand nous le suivrons à Bungay. Si les promenades qu'il entreprenait de la sorte pour gagner sa vie la mettaient parfois en péril, il en retirait à d'autres égards un fruit singulièrement salutaire. Je ne parle pas des prévenances dont il était l'objet dans les familles de ses élèves. Il ne les acceptait qu'avec une réserve ombrageuse, toujours sur le qui-vive, persuadé qu'on se familiarise aisément avec le malheureux et que celui-ci se trouve sans cesse dans la dure nécessité de se rappeler sa dignité d'homme s'il ne veut que les autres l'oublient. Puis, en plus d'une circonstance, il eut certainement à souffrir non seulement dans sa sauvagerie native, encore exaspérée par le chagrin, mais aussi dans son inquiète susceptibilité de proscrit. Il est clair, par exemple, qu'ici ou là, dans l'une quelconque des maisons qu'il hantait, il lui arriva d'entendre énoncer à table, principalement à l'heure du porto, les aphorismes plus maladroits que mal intentionnés, contre lesquels il proteste, avec une exaspération si légitime, dans l'essai. Un bon étranger, au coin de son feu, dans un pays bien tranquille, sûr de se lever le matin comme il s'est couché le soir, en possession de sa fortune, la porte bien fermée, des amis au-dedans et la sûreté au-dehors, prononce, en buvant un verre de vin, que les émigrés français ont tort et qu'on ne doit jamais quitter sa patrie. Et ce bon étranger raisonne conséquemment. Il est à son aise, personne ne le persécute, il peut se promener où il veut, sans crainte d'être insulté, même assassiné. On n'incendie point sa demeure, on ne le chasse point comme une bête féroce, le tout parce qu'il s'appelle Jacques, et non pas Pierre, et que son grand-père, qui mourut il y a 40 ans, avoit le droit de s'asseoir dans tel banc d'une église, avec 2 ou 3 arlequins en livrée derrière lui. Certes, dis-je, cet étranger pense qu'on a tort de quitter son pays. C'est au malheur à juger du malheur. Le cœur grossier de la prospérité ne peut comprendre les sentiments délicats de l'infortune. Puis, si les femmes dont se composait surtout sa clientèle étaient charmées de la voir pour parler français avec lui, il y en avait nécessairement plus d'une dans le nombre qu'il n'éprouvait, lui, aucune espèce de charme à faire converser. Telles, par exemple, ces dames ou demoiselles Bedingfield, dont il déclare qu'elles n'ont pas le sens commun et qu'elles sont ignorantes et mal élevées. Mais outre que les réceptions hospitalières qui lui étaient faites dans ses tournées ne comportaient qu'exceptionnellement de pareilles rançons, de quel réconfort ne lui furent pas ces libres équipés par les routes rustiques, après les sombres mois de réclusion dans les garets londoniens? À l'aller comme au retour, il goûtait du moins le bienfait de l'exercice en plein air, la joie d'ouvrir largement ses poumons, de boire la pluie et le soleil, de respirer le vent. Il était arrivé en Suffolk avec une constitution fort délabrée par les fatigues du camp de Thionville et les privations de Londres. Le régime de Beckles ne tarda pas à la raffermir. Les courses que je faisais à cheval, dit-il dans les mémoires, me rendirent un peu de santé. Elles lui rendirent cet autre élément vital, la nature. Comparée à la forêt vierge d'Amérique, la campagne anglaise dut évidemment lui paraître un peu rétrécie et trop humanisée. Elle était en revanche, nous l'avons vu, pour lui rappeler de très près les chères, les nostalgiques images de son pays de Combourg. Ici comme là-bas, c'était, il est vrai, partout la même chose et le même aspect. Mais ici comme là-bas, cette monotonie même, d'ailleurs infiniment nuancée, ne laissait pas d'être apaisante et douce. L'Angleterre, avoue-t-il, était triste, mais charmante. Triste sans doute, parce qu'il la regardait à travers ses dispositions intimes qui ne prêtaient guère à l'allégresse. Car la physionomie du Suffolk n'est rien moins que mélancolique, et si le Merry England a jamais été de mise quelque part, c'est assurément en cette molle contrée verte, peuplée d'arbres, veinée de rivières, fraîche et riante à souhait. Triste ou gaie, d'ailleurs, il n'importe, Chateaubriand lui fut, tout compte fait, redevable des jouissances qui pouvaient le mieux endormir ses regrets de banni, exalter son cœur de breton et de poète. N'y était-il point comme enveloppé par la grâce toujours neuve, la beauté toujours émouvante des ciels, des eaux et des bois? Nous avons là-dessus son témoignage direct, car il n'y a pas à nier qu'elle fut écrite à Beckles, le soir de quelque chevauchée scolaire, sous la dictée immédiate des paysages semi-terrestres, semi-marins du Suffolk. Cette page si fervente de l'essai, dans le célèbre chapitre « Aux infortunés ». Lorsque les chances de la destinée nous jettent hors de la société, la surabondance de notre âme, faute d'objets réels, se répand jusque sur l'ordre muet de la création, et nous y trouvons une sorte de plaisir que nous n'aurions jamais soupçonné. La vie est douce avec la nature, que celui que le chagrin mine s'enfonce dans les forêts, qu'il erre sous leurs voûtes mobiles, qu'ils gravissent la colline d'où l'on découvre d'un côté de riches campagnes et de l'autre le soleil levant sur des mers étincelants dont le vert changeant se glace de cramoisi et feu. Sa douleur ne tiendra point contre un pareil spectacle. Non qu'il oublie ceux qu'il aima, car alors ses maux seront préférables, mais leur souvenir se fondra avec le calme des bois et des cieux. Il gardera sa douceur et ne perdra que son amertume. Heureux ceux qui aiment la nature, ils la trouveront et trouveront seulement elle au jour de l'adversité. À cette époque de sa vie, toutefois, la nature ne le captivait pas uniquement par elle-même, par la seule impression de sa magie, ou comme un cadre bénévole et splendide aux chimères de son esprit. Il y voyait encore une matière d'étude, un prétexte à ses spéculations de botanique sentimentale et finaliste pour lesquelles il s'était passionné, comme la plupart de ses contemporains, sous l'influence de Rousseau et surtout de Bernardin de Saint-Pierre. On ne passait pour amant de la nature qu'autant que l'on était à quelques degrés naturaliste. Chateaubriand l'était ou croyait l'être. Il se piquait de se connaître en géologie comme en botanique. À Paris, il avait beaucoup vécu avec Messieurs M., célèbres minéralogistes du temps. Aux Açores, en Amérique, en Allemagne, voyageur ou soldat, il s'était livré à de graves méditations concernant les pierres, les arbres, les lichens. À Londres, plus tard, quand il envisagera la possibilité prochaine du retour en France, il projettera de prendre un logement au Jardin des Plantes. À Beccles, sa distraction favorite est d'herboriser. Il se peint à nous, armé de ses ciseaux, de son style, de sa lunette, s'en allant tout courbé le long des fossés d'un vieux chemin, s'arrêtant au massif d'une tour en ruine, aux mousses d'une antique fontaine, à l'orée septentrionale d'un bois, ou parcourant des grèves que les algues festonnent de leurs grands falbalas frisés et couleurs d'écailles fondues. Ses préférences vont naturellement aux plantes qui, par leur accident, leur goût, leurs mœurs, entretiennent des intelligences secrètes avec son âme. Il se plaît à rencontrer la tulipa sylvestris, qui se retire comme lui sous les ombrages les plus solitaires. Il s'attache à ses lys mélancoliques, dont le front penché semble rêver sur le courant des eaux. Dans l'ulex épineux couvert de ses papillons d'or, qui présente un asile assuré aux petits des oiseaux, il révère une puissance protectrice du faible. Les thyns et les calamènes, qui embellissent généreusement un sol ingrat de leur verdure parfumée, deviennent à ses yeux le symbole de l'amour de la patrie. Est-il besoin d'ajouter qu'il n'a garde d'omettre le saule au port languissant, ou cette famille américaine qui laisse pendre ses branches négligées comme dans la douleur? Parfois, au candeur, il se flatte de la glorieuse illusion qu'il a découvert une espèce inconnue. Tout aussitôt, le voilà, nouveau liné, occupé de la décrire minutieusement en termes techniques et de lui imposer un nom tiré des analogies qu'elle lui paraît offrir avec son propre moi. Humble satisfaction, mais profonde, mais pénétrante, et dont la trace devait persister à 7 ou 8 ans de là, jusque dans le génie du christianisme, comme l'atteste le morceau du Cresson voyageur, écrit évidemment au jour de Beccles et selon toute probabilité au printemps de 1795. On nous a montré au bord de l'Ia, petite rivière du comté de Suffolk, en Angleterre, une espèce de cresson fort curieux. Il change de place et s'avance comme par bonds et par sauts. Il porte plusieurs chevelus dans ses cimes. Lorsque ceux qui se trouvent à l'une de ces extrémités de la masse sont assez longs pour atteindre au fond de l'eau, ils y prennent racine. Tirés par l'action de la plante qui s'abaisse sur son nouveau pied, les griffes du côté opposé lâchent prise, et la cressonnière, tournant sur son pivot, se déplace de toute la longueur de son banc. Le lendemain, on cherche la plante dans l'endroit où on l'a laissée la veille, et on l'aperçoit plus haut ou plus bas sur le cours de l'onde, formant avec le reste des familles fluviatiles de nouveaux effets et de nouvelles harmonies. Nous n'avons vu ni la floraison ni la fructification de ce cresson singulier que nous avons nommé migrator, voyageur, à cause de nos propres destinées. Ainsi, tout en courant le cachet, il courait la campagne et les corvées fastidieuses du professeur de français s'achevaient en idéale volupté pour le botanophile. Oh! Qu'avec délices, s'écrie-t-il, on rentre dans sa misérable demeure chargée de la dépouille des champs.